walking away. I don't know what I'm to say. I say it anyway. Today another day to find you shining away. J'ai encore rêvé d'elle. Les draps s'en souviennent. C'est pas ça? corps, mais de la... Je suis la reine des abeilles. Elle était bien cette chanson, putain. J'en ai eu les frissons. Qui peut me jouer les vêpres à l'orgue ou à la guitare? Il faut que je retrouve les vêpres. Si je pouvais. Ça m'a excité. Je suis tout excité. Je suis à toi. Prends-moi. Enigma. Oula, j'ai appuyé sur les boutons du synthé, faut pas. Aïe aïe aïe aïe aïe. Open the door. Next time, I'll take you with us in another world, a world of spirit. C'est quoi ces caractères? Je comprends rien du tout. Qui c'est qui écrit là? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait?